منهما كفرا مستقلا. وقال الله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ففرق بين الكفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. Donc la sixième ambiguïté qu'ils ont citée, ils nous disent que les polythéistes n'ont pas mécru parce qu'ils ont invoqué les anges ou bien les prophètes. Ils ont mécru car ils ont dit que les anges sont les filles d'Allah. Et nous ne disons pas Abdul Qadir ibnullah. Nous ne disons pas que Abdul Qadir al-Jilani, que nous avions cité, est le fils d'Allah, ni personne d'autre également. La réponse à cela est que le fait d'attribuer à Allah un enfant est une mécréance indépendante. Allah dit dans le Coran: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ. C'est-à-dire que Allah est l'unique, Allah est as-samad. Al-ahad, c'est-à-dire celui qui n'a aucune chose du ressemblant, et as-samad, al-maqsoud fil hawa'ij, celui vers qui on se dirige dans nos besoins. Et celui qui renie ou bien refuse de croire à cela, il a mécru. Même s'il croit à la sourate. Même s'il croit à la sourate, il a mécru. C'est-à-dire celui qui refuse de croire qu'Allah est unique, qu'il n'a pas d'enfant, il est mécréant même s'il croit en cette sourate. Allah dit dans le Coran également: مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ. Allah n'a pas pris d'enfant, ni il n'y a avec lui aucune autre divinité. Sourate Al-Mu'minun. Donc Allah a fait la différence entre les deux sortes, le fait d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala un enfant et le fait d'attribuer une autre divinité. Donc chacun des deux est une mécréance indépendante de l'autre. Et Allah dit dans le Coran: وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Allah dit qu'ils ont donné à Allah des associés. Parmi ces associés, les démons, al-jinn, alors qu'il les a créés. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Et ils lui ont attribué des fils et des filles sans science. Donc Allah également dans ce verset, il a fait la différence entre les deux mécréances. Donc le fait d'adorer autre qu'Allah en l'invoquant, et le fait d'attribuer à Allah un enfant. Et la preuve à cela également est que ceux qui ont mécru en implorant Al-Lat, donc une statuette parmi les statuettes des gens de Quraysh, qui était un homme pieux, ils n'ont jamais dit qu'il était le fils d'Allah. Et ceux qui ont mécru en adorant les démons, ils n'ont jamais dit que Al-Jinn était les enfants d'Allah. Également, les savants de toutes les écoles de jurisprudence, ils citent dans les livres de fiqh un chapitre qui est appelé Bab Hukm al-Murtad, c'est-à-dire le statut de l'apostat, celui qui sort de l'islam. Et ils disent dans ce chapitre que le musulman, s'il prétend que Allah possède un enfant, il est alors apostat. C'est-à-dire qu'ils font la différence entre les deux sortes d'associations, les deux sortes de mécréances. Et il nous dit: وَهَذَا فِي غَايَةِ الْوَضُوحِ. C'est-à-dire que c'est une chose très claire. فَذِهِ يَشُبَتُ السَّادِسَ أو السابعة التي ذكرها المعارضون لدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وهذه الشبهة هي أنهم قالوا أن الكفار في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما كفروا لأنهم صرفوا شيئا من العبادة لغير الله تبارك وتعالى وإنما كفروا عندما زعموا أن الملائكة بنات الله وأن عيسى أو عندما قالوا أن الملائكة بنات الله وعندما قالوا أن الأنبياء أبناء الله. Donc ça c'est la septième ambiguïté qu'ils ont citée. Ils nous disent que les polythéistes de la Mecque n'ont pas mécru car ils invoquaient autre qu'Allah, en invoquant les anges, en invoquant les prophètes. Ils ont mécru en réalité lorsqu'ils ont prétendu que les anges étaient les filles d'Allah, et que les pieux sont les fils d'Allah, et que les prophètes sont les fils d'Allah. Donc ils disent voilà en quoi ont mécru les gens de la Mecque. Tout ça pour pouvoir continuer à adorer autre qu'Allah. Du fait qu'eux ils ne disent pas cela. Ils ne disent pas que Abdel Qadir est le fils d'Allah. والشيخ أجاب عن هذه الشبهة بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن القول بأن الملائكة بنات الله هذا كفر مستقل. هذا كفر مستقل. ومن زعم كذلك أن الصالحين أبناء الله فهذا كذلك كفر مستقل. وقال إنسان قد يكفر بعدة كفريات. قد يكفر الإنسان بعدة كفريات. وكفر واحد يكفي لخروج الإنسان من الإسلام. والمصنف رحمه الله استدل بثلاث آيات. الآية الأولى وهي سورة الإخلاص. وهو قول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والدليل الثاني هو قول الله تبارك وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. والدليل الثالث هو قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. فمن زعم أن شيئا يعني مهما كان هو ابن الله فهو كافر وإن لم يدعوه فإن دعاه فقد كفر مرتين بكونه أنه زعم أن لله ولدا وبكونه صرف شيئا من العبادة لغير الله تبارك وتعالى. Donc l'auteur a répondu à cette ambiguïté par trois réponses. En disant, premièrement, que le fait que certains polythéistes de la Mecque ont dit que les anges étaient les filles d'Allah, donc ça, ce sujet, est une mécréance. Le fait d'attribuer à Allah un enfant, c'est une mécréance. Après, la personne, elle peut mécroire par plusieurs choses. Il se peut que tu attribues à Allah un enfant, donc tu as mécru par cela. Et en plus de cela, si tu invoques en dehors d'Allah cette chose, donc tu as mécru deux fois. Et chacune des deux est suffisante pour faire de la personne un apostat, et une personne n'étant plus musulmane. Et l'auteur a cité trois versets, ou bien trois preuves. Le premier, c'est le verset de Sourate l'Ikhlas, « Qul huwa Allahu ahad, Allahu as-samad ». لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. Donc pour citer que Allah donc est l'unique donc dans l'adoration. والصمد الذي يقصد في الحوائج, c'est-à-dire celui vers qui on se dirige dans nos besoins seul. لم يلد ولم يولد, c'est-à-dire il n'a ni donné au monde et ni il n'a été mis au monde. Ensuite il a cité le verset de sourate Al-Mu'minun, ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. Allah n'a pas pris d'enfant et il n'y a aucune autre divinité avec lui. Également, le verset de sourate Al-An'am, وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ. C'est-à-dire qu'ils ont donné à Allah des associés parmi les démons, alors qu'il les a créés et ils lui ont attribué des filles et des fils sans science. Donc toute personne qui prétend que Allah a un enfant, que ce soit un garçon ou une fille, automatiquement il sort de l'islam. Automatiquement il sort de l'islam sans regarder autre chose. Sans regarder autre chose. Si en plus de cela, il invoque cette chose, également, c'est il sort de l'islam. Donc, il y a des actes de mécréance qui suffisent seuls pour faire de la personne donc un apostat. Mais si en plus toutes ces choses-là sont réunies, c'est pire encore. والجواب الثاني الذي ذكره الشيخ أنه قال أن المشركين كفرهم الله تبارك وتعالى عندما عبدوا اللات والعزة ومنات ولم يقل أحد منهم أن هذه الأصنام هي أبناء الله أو أنها بنات الله ومع ذلك الله تبارك وتعالى كفرهم وحكم عليهم بأنهم مشركون كذلك الذين عبدوا ودعوا الجن ما زعم أحد منهم أن الجن يعني أبناء الله. Donc la deuxième réponse qu'a cité l'auteur en réponse à cette ambiguïté, il a dit que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est vrai que certains donc ont dit que les anges étaient les filles d'Allah, mais tout le monde sait que dans le Coran, Allah a rendu mécréants des gens qui adoraient Al-Lat, Al-Uzza, Al-Wamanat et les démons, Al-Jinn. Et malgré cela, personne à leur époque n'a prétendu que ces statuettes étaient les fils d'Allah. Et malgré cela, le Coran a statué sur eux qu'ils étaient des polythéistes. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les a combattus. الجواب الثالث هو الإجماع أن الفقهاء من جميع المذاهب يذكرون في مصنفاتهم بابا اسمه باب حكم المرتد يذكرون أحكام المرتد والمرتد هو الذي يكون مسلما ثم يرتكب أمرا يخرجه من الإسلام فالإنسان عليه أن يكون على حذر من هذا فالإنسان قد يولد مسلما ولكن إذا ارتكب شيئا هذا الشيء قد يخرجه من الإسلام ويصبح الإنسان كافرا والعياذ بالله فالعلماء رحمهم الله في حكم المرتد يذكرون يعني أشياء تخرج الإنسان من الإسلام ومما يذكرونه يقولون من زعم أن لله ولدا فهو مرتد بغض النظر عن أي شيء آخر فهذا دليل على أنه كفر مستقل أنه كفر مستقل وكذلك من دعا غير الله تبارك وتعالى فهو مرتد également l'auteur il cite comme preuve, c'est sa troisième réponse, l'ijma, c'est-à-dire le consensus des savants. Il n'y a pas un livre de fiqh que l'on ouvre sans que l'on ne trouve dans ces livres un chapitre appelé Hukm al-Murtad, c'est-à-dire les règles de jurisprudence liées à ridda, c'est-à-dire le fait d'apostasier, le fait d'être musulman et de faire quelque chose qui nous fait sortir de l'islam. Donc le musulman, il doit être sur ses gardes et faire très attention à ne pas commettre une de ces choses. Car le musulman ne se dit pas « je suis musulman et je serai musulman toute ma vie ». Là, il se peut que tu fasses quelque chose et par cette chose, tu sors de l'islam. « فَمَنْ سَبَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَثَلًا فَهُوَ كَافِرٌ » Celui qui insulte Allah ou bien insulte son prophète sallallahu alayhi wa sallam, fa huwa kafirun. Man ahana al-mushaf, fa huwa kafir. également celui qui manquerait de respect au Coran, le livre d'Allah, également sort de l'islam. Donc les savants, rahimahoullah, dans ce chapitre, ils citent donc plusieurs choses qui font que la personne sort de l'islam. Et parmi les choses qu'ils citent, ils citent celui qui invoque autre qu'Allah. Ils citent celui qui invoque autre qu'Allah, fahuwa murtad. Également, ils disent, man za'ama anna lillahi waladan fahuwa murtad. Celui qui prétend également que Allah a un enfant est murtad. Donc, ils font la différence entre les deux choses. Ce qui montre que ce sont deux actes bien indépendants l'un de l'autre. Et que l'un des deux suffit pour que qu'on statue de la personne qu'elle n'est plus musulmane. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقول هذا هو الحق ولكن لا يعبدون ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال ودين الله وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين وحق بين باطلين. فإذا عرفت هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن بعينه وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه فاعلم أن الشرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولية والأوثان مع الله إلا في الرخاء أما في الشدة فيخلصون لله الدعاء كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وقوله قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وقال تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار وقوله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء أما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم تبين له الفرق بين الشرك أهل زماننا والشرك الأولين ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما جيدا راسخا والله المستعان. والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس والذين يدعونهم أنفسهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. Donc la huitième ambiguïté, ils disent Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. C'est-à-dire les alliés d'Allah n'ont aucune crainte pour eux et ne seront pas attristés. La réponse, que cela est vrai, mais cela ne veut pas dire que l'on doit les adorer. Et nous, nous n'avons cité que leur adoration. On n'a pas rejeté ou renié ce que l'on appelle ni le rang des vertueux, l'awliya. Nous n'avons cité que leur adoration avec Allah, le fait qu'ils soient adorés avec Allah et le fait qu'on les associe à Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, il nous est obligatoire de les aimer, de les suivre et de croire à ce que l'on appelle al-karamat. Et ne rejette karamat al-awliya illa ahlul bid'a wa ad-dalal. C'est-à-dire les gens égarés et les gens de l'innovation. Et la religion d'Allah est une religion du juste milieu entre deux égarements, c'est-à-dire les gens qui exagèrent et les gens qui n'y croient pas. Wa haqqun bayna batilayn, est une vérité entre deux faux. Donc si tu sais cela, ce que les associateurs à notre époque appellent kabir al-i'tiqad. Donc ils appellent cela kabir al-i'tiqad, c'est l'association qu'a blâmé le Coran. Donc c'est l'association pour laquelle a été révélé le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu des gens pour cela. Et sache également que l'association que commettaient les associateurs à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans les premiers siècles, elle était moins pire que celle commise par les associateurs à notre époque. Et cela pour deux causes. Il nous dit premièrement que les polythéistes des premiers temps, ils n'associaient rien à Allah. Et lorsqu'ils associaient à Allah et qu'ils invoquaient les anges, l'awliya, les statuettes, cela avait lieu lorsqu'ils étaient dans l'aisance. Lorsqu'ils étaient dans l'aisance, ils invoquaient autre qu'Allah. Mais lorsqu'ils étaient dans l'adversité, lorsqu'un malheur leur arrivait, à ce moment-là, ils invoquaient Allah seul. Donc toutes leurs invocations devenaient exclusives pour Allah. Comme le dit Allah dans le Coran, وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. Lorsque un mal vous atteint, lorsque vous êtes en mal, lorsque vous êtes en mer, tout ce que vous invoquez en dehors d'Allah disparaît. Et lorsqu'il vous a sauvé vers la terre ferme, vous vous détournez. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. L'homme est un grand mécréant. Et Allah dit également dans sourate Al-An'am, voyez-vous si le châtiment d'Allah vous vient, ou bien si l'heure vous arrive. Est-ce que vous invoquerez autre qu'Allah si vous êtes sincère? Non, au contraire, vous n'invoquerez que lui, fayakshifu ma tad'una ilayh, et il dissipera ce pourquoi vous l'invoquez, si il le veut, wa tansawna ma tushrikun, et vous oublierez alors ce que vous lui associez. Et Allah dit dans sourate Az-Zumar, lorsque un mal atteint l'homme, il invoque son Seigneur se répentant à lui. Puis, lorsque Allah lui donne un bienfait, il oublie. Il oublie ce qui lui associait. Et il donne à Allah des associés afin qu'il s'égare de son chemin. Allah dit ensuite, c'est-à-dire, profite de ta mécréance peu de temps, innaka min ashabin nar, tu fais partie des habitants de l'enfer. Et Allah dit dans sourate Al-Luqman, wa idha ghashiyahum mawjun kadh-dhulali, lorsque en mer, une mer les recouvre, une vague les recouvre, une vague semblable à un parapluie. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font ? Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Ils invoquent Allah seul. Donc les polythéistes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est vrai qu'ils associaient à Allah subhanahu wa ta'ala, mais cela avait lieu que lorsqu'ils étaient dans l'aisance. Mais dès qu'un mal les atteignait, ils invoquaient Allah seul. Et donc, si celui qui comprend ce sujet qu'Allah a clarifié dans son livre, c'est-à-dire que les polythéistes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu, ils invoquaient Allah et ils invoquaient autre que lui lorsqu'ils étaient dans l'aisance et lorsqu'ils étaient dans la difficulté et dans l'adversité. Ils n'invoquaient personne d'autre en dehors qu'Allah et ils oubliaient leur divinité. À ce moment-là, tu comprends clairement la différence qu'il y a entre les polythéistes de notre époque et ceux des premiers siècles, l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولكن اين من يفهم قلبه هذه المساله فهما جيدا راسخا. Mais il nous dit, mais qui est celui dont le cœur comprendra ce sujet d'une véritable compréhension? Wallahu al-musta'an. Deuxièmement, il nous dit la différence entre les polythéistes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux de notre époque. Donc l'auteur, il nous parle de son époque à lui, mais c'est valable pour la nôtre. Il nous dit que les premiers polythéistes, ils invoquaient avec Allah des gens proches d'Allah. Donc les prophètes, les vertueux, les anges. Ou bien ils invoquaient des arbres, des pierres qui sont obéissants à Allah subhanahu wa ta'ala et ne commettent pas de péché. Quant aux gens de notre époque, il nous dit, ils invoquent avec Allah des gens parmi les plus pervers. Et ceux qui les invoquent, ce n'est pas une perversité qu'il aurait inconnue. Là, ils invoquent ces gens-là et c'est eux-mêmes qui nous rapportent ce qu'ils font comme perversité, comme la fornication, le vol, le fait de ne pas prier ou autre chose. Et celui qui croit donc dans la personne pieuse et dans la personne qui commet des péchés, comme al-khashab, le bois ou les pierres, ahwan mimman yataqidu fi man yushahidu fisqa. Donc il nous dit, celui qui croit pouvoir invoquer une personne pieuse ou une personne qui ne commet pas de péché, comme ceux qui faisaient les premiers polythéistes, c'est-à-dire avec les prophètes, avec les anges, avec les pierres et les bouts de bois, il nous dit, ceux-là, ils sont moins pires que ceux qui croient ces mêmes choses pour des gens dont ils témoignent de leur perversité. Car ce n'est pas une perversité, comme on a dit, cachée. Donc c'est des gens qui invoquent des pervers en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَذِهِ يَشُبَتُ الثَّامِنَ أَنَّهُمْ يَسْتَدِلُّونَ بِكَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ دُعَاؤُهُمْ وَالِاسْتِغَاثَةُ بِهِمْ فَيَقُولُونَ مثلاً أن الله تبارك وتعالى يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية تدل على مقام الأولياء عند الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. ولكن هذه الآية لا تدل على أنه يجوز أن نصرف شيئا من العبادة لهم، بل جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تأمرنا بعبادة الله وحده لا شريك له. قال الله تعالى ولا تدع مع الله إلى أن آخر فتكون من المعذبين. ويقول الله تبارك وتعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. Donc cette huitième ambiguïté, c'est que il cite comme preuve pour pouvoir adorer autre qu'Allah les textes parlant de ce que l'on appelle karamat al-awliya, c'est-à-dire les textes qui nous montrent le rang et la valeur de ce que l'on appelle al-awliya auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le verset de sourate Yunus où Allah tabaraka wa ta'ala dit ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun, c'est-à-dire que les les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala n'auront aucune crainte et ne seront pas attristés, c'est-à-dire ici-bas et dans l'au-delà. Mais ce verset ne nous permet en aucun cas d'invoquer les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses alliés, contrairement à d'autres versets qui nous interdisent d'invoquer autre qu'Allah. Allah dit « وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَّا أَنَّخَرْ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ » N'invoque pas avec Allah une autre divinité, à ce moment-là tu seras alors parmi les gens qui seront châtiés. Et Allah dit également « وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَّا أَنَّخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ » Celui qui invoque avec Allah une autre divinité dont il n'a aucune preuve, son jugement sera auprès de son Seigneur. « إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ » Les mécréants n'obtiennent aucune victoire. فَنَرُدُّ عَلَى هَذِهِ الشُّبْهَ بِجَوَابَيْنِ الجواب الأول أو أولا نقول أن أهل السنة والجماعة يؤمنون ويقرون بكلامات الأولياء والصالحين وأن لهم مكانة ومنزلة عند الله تبارك وتعالى ولكن هذه المنزلة وهذه المكانة لا تجيز أو لا تحل لنا أن نعبدهم مع الله تبارك وتعالى فالكرامات شيء والعبادة شيء آخر. Donc premièrement, on répond en disant que le sunna ou le jama'a croit à ce que l'on appelle karamat al-awliya et al-salihin. Le karamat, c'est ce que l'on appelle l'amru al-khariqu lil-'ada. L'amru al-khariqu lil-'ada ghayr muqtarin bi التحدي والنبوة. Donc le karamat al-awliya, c'est toute chose arrivant à une personne qui sort de l'ordinaire. Qui sort de l'ordinaire. Mais cette chose-là, pour la différencier du miracle, elle n'est pas là, elle n'est pas venue comme défi pour les gens ou pour prouver une prophétie. C'est comme par exemple ce qui est arrivé à Ashab al-Kahf, qui sont restés tant d'années dans la grotte, ce qui est arrivé à Maryam, alayhi salam, lorsque il y avait à côté d'elle Zakaria, il arrivait et il voyait à côté d'elle Rizq. Qala anna laki hadha, d'où te vient cela? Qala huwa min indillah, cela vient d'Allah, inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab, Allah donne à qui il veut sans compter. Et donc Maryam n'était pas prophète. Donc c'est ce que l'on appelle karamat al-awliya, des choses qui sortent de l'ordinaire, qui arrivent à des gens pieux et qui ne sont, là, qui ne sont pas là pour défier quiconque ou pour prouver une prophétie. Donc c'est une chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne à ces gens-là du fait de leur piété. Allah dit en parlant de Ashab al-Kahf, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Donc c'est des gens qui croyaient en leur Seigneur et qui étaient sur le droit chemin. Donc les textes sur Karamat al-Awliya, ils sont très très très nombreux. Et le Sunna wa Jama'a, ils croient en cela. Et ceux qui refusent de croire en cela sont les gens de l'innovation. Mais le Sunna wa Jama'a donc croient en ce que l'on appelle Karamat al-Awliya, mais ils ne permettent pas que l'on invoque ces gens-là en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de croire en cela, en Karamat al-Awliya, ne veut pas dire qu'il nous est permis d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc karamat al-awliya, c'est un sujet, et adorer autre qu'Allah en est un autre. هذا هو الجواب الذي ذكره المؤلف رحمه الله. يعني ذكر جوابا واحدا. ثم شرع في المقارنة بين المشركين في زمانه رحمه الله والمشركين الأولين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه وهذه المسألة ذكرها المؤلف رحمه الله في كتاب آخر له. شنو الكتاب؟ ها؟ لا، كتاب مرة معنا. سنو يبقى سا با دبوت. L'auteur, après ensuite l'auteur, il a comparé les polythéistes de son époque et les polythéistes sur qui le Coran a été révélé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'auteur, il a cité le même sujet dans un autre livre à lui. Lequel ? Ah ? Naam, il qawaid al-arba'a. Oui, il qawaid al-kam ? Rabi'a. Il qawaid al-rabi'a. Il qawaid al-mu'allifu rahimahullah. Il qawaid al-rabi'a. Anna mushriki zamanina أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشرك زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. Donc l'auteur nous dit dans son livre القواعد الأربع, la quatrième règle c'est que les associateurs de notre époque, leur association est pire que celle des premiers associateurs. Car les premiers associateurs, ils associaient à Allah dans l'aisance et ils l'invoquaient seuls lorsqu'ils étaient dans l'adversité. Alors que les associateurs de notre époque, ils invoquent Allah, ils invoquent autre qu'Allah tout le temps, dans l'adversité et dans l'aisance. Et la preuve à cela, la parole d'Allah dans Surat Al-Ankabut, « فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ » فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Lorsqu'ils montent sur un bateau, ils invoquent Allah seul, en lui vouant une invocation exclusive. Et lorsqu'il les sauve vers la terre ferme, à ce moment-là, ils reviennent à leur association. فالشيء الأول الذي ذكره المؤلف أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة فيشركون في حين ويخلصون في حين آخر وهذا أخف من الذي يكون شركه دائما في جميع الأزمنة. Donc la première chose est que les polythéistes à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم, donc ils invoquaient Allah, enfin, ils associaient à Allah lorsqu'ils étaient dans l'aisance. Mais dès qu'ils étaient dans l'adversité, à ce moment-là, ils n'invoquaient personne en dehors d'Allah. Et il nous dit, celui qui fait cela, il est meilleur que celui qui associe tout le temps avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car même lorsqu'il y a une chose mauvaise qui est shirk, il y a des degrés. Il se peut qu'une personne, son association à soi, fil rububiyya ou fil uluhiyya ou fil asma ou sifat. C'est pas comme celui dont shirk seul n'est que dans l'uluhiyya, malgré que tout cela est du kufr et de la mécréance. Yaqul يقول الله تبارك وتعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه وقال تعالى قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو تتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. Donc l'auteur il a cité ensuite quatre versets du Coran prouvant cela, que les associateurs à l'époque du prophète sallam, lorsqu'ils étaient dans l'adversité, ils n'invoquaient personne en dehors d'Allah et qu'ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils associaient Allah dès qu'il les sauvait à la terre ferme. هناك عالم من علماء الهند اسمه صديق حسن خان رحمه الله له كتاب اسمه رحلة الصديق إلى البيت العتيق. Donc l'auteur, il y a un savant parmi les savants de l'Inde qui s'appelle Siddiq Hassan Khan rahimahullah. Il a vécu à l'époque de Muhammad ibn Abdul Wahhab. Et lui, ou bien un peu plus tard, il a un livre qui s'appelle Rihlatu Siddiq ila al-Bayt al-Atiq. Il a un livre dans lequel il nous cite son voyage vers la Mecque, de l'Inde vers la Mecque. يقول شرحا بعد ما جرى له أثناء رحلته إلى الحج قبل نحو 100 عام يقول ومن العجائب التي لا ينبغي إخفاؤها أن الملاحين إذا ترددوا في أمر المركب من جمود الريح أو هبوبها مخالفة أو شيئا من الخوف على السفينة وآلها كانوا يهتفون باسم الشيخ عيد روس وغيره من المخلوقين مستغيثين ومستعينين به ولم يكونوا يذكرون الله عز وجل أبدا أو يدعوه بأسمائه الحسنى وكنت إذا سمعتهم ينادون غير الله ويستغيثون بالأولياء خفت على أهل المركب خوفا عظيما من الهلاك وقلت في نفسي يا لله العجب كيف يصل هذا المركب بأهله إلى ساحل السلامة فإن مشرك العرب قد كانوا يذكرون آلهتهم الباطلة في مثل هذا المقام بل يدعون الله تعالى وحده غير مشركين به كما حكى عنهم سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وهؤلاء القوم الذين يسمون أنفسهم المسلمين يدعون غير الله ويهتفون بأسماء المخلوقين ولقد صدق الله تعالى فيما قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ولكن لما كانت رحمة الله سبقت غضبه أوصل أرحم الراحمين المركب بفضله كيفما اتفق بعد التي إلى المنزل المقصود والله تعالى أعلم وأجل. Donc l'auteur Sidi Hassan Khan, rahimahullah, il nous cite son voyage dans son livre où il s'est rendu à la Mecque. Et il nous dit qu'il est. Donc ça a eu lieu il y a un peu plus de 100 ans. Et il nous dit, parmi les choses étonnantes, est que Al-Mallahin, c'est-à-dire ceux qui s'occupent du bateau, donc il a pris le bateau. Dès qu'ils ont peur pour le bateau et pour ses occupants, ils invoquaient Al-Aidarus. Ils invoquaient Al-Aidarus. C'est-à-dire, c'est un homme qui s'appelle Abu Bakr ibn Abdullah al-Shadhili al-Aidarus. Donc, un homme qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est décédé en 914. Et donc, lui, il était à bord, Sidi Hassan Khan. Il était à bord, il entendait. Donc, il y a une crainte pour le bateau et pour ses habitants, ou bien ses occupants. Et ils ont commencé donc à invoquer et à demander de l'aide auprès de l'Aïdarus. Sans invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, sans l'invoquer par ses noms. Et il nous dit, lorsque je les ai entendus appeler autre qu'Allah, j'ai eu peur pour nous, c'est-à-dire les occupants du bateau. Et je me suis dit, comme c'est étonnant, comment ce bateau peut-il arriver à destination, alors que les polythéistes de la Mecque, dans ce type de situation, ils n'invoquaient pas leur divinité, mais ils invoquaient Allah seul, comme le dit Allah dans le Coran, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Lorsqu'ils montent sur un bateau, ils invoquent Allah en lui vouant un culte exclusif. Et il nous dit, et ça c'est les polythéistes, وهؤلاء القوم alors que eux الذين يسمون انفسهم المسلمين alors que eux qui s'appellent eux-mêmes musulmans ils invoquent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et ils appellent les noms des créatures. Allah dit vrai lorsqu'il dit وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون, c'est-à-dire beaucoup de gens croient en Allah mais lui associent. Et il dit ensuite que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala dépasse sa colère et Allah, le très miséricordieux, a fait arriver le bateau à destination. Donc pour montrer que c'est une chose réelle qu'il y a des gens qui invoquent autre qu'Allah dans toutes les situations, dans l'aisance comme dans la difficulté. Contrairement donc aux polythéistes de la Mecque. Également, la différence c'est que eux, kanu mushrikin, ils savaient qu'ils n'étaient pas musulmans. Contrairement à ceux de l'époque de Cheikh et ceux de notre époque à nous, ils prétendent être musulmans. الأمر الثاني الذي ذكره الشيخ في المقارنة بين مشركي العرب ومشركي زمانه أن مشركي العرب كانوا يدعون أناسا مقربين إلى الله تبارك وتعالى كانوا يدعون الملائكة ويدعون الأنبياء ويدعون الصالحين ويدعون أشجارا وأحجارا مطيعة لله تبارك وتعالى أما مشركو زماننا فإنهم يصرفون شيئا من العبادة لأفسق الناس يعني أناس عرفوا بالفسق وبالفجور وهذا الفسق وهذا الفجور ليس خفيا بل هذا الداعي الذي يدعوه يعني يدعو من دون الله يقول إنه يفعل كذا ويزني ويسرق ولا يصلي ومع ذلك يعبده من دون الله تبارك وتعالى. Donc la deuxième chose qu'a cité ce l'auteur, c'est que la différence qu'il y a entre les polythéistes de la Mecque et ceux de notre époque est que les polythéistes de la Mecque, ils adoraient des gens qui étaient proches d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils adoraient les anges, ils adoraient les prophètes, les gens vertueux, ou même lorsqu'ils adoraient des choses sans âme comme une pierre ou un morceau de bois. Toutes ces choses-là sont obéissantes à Allah tabaraka wa ta'ala et ne commettent pas de péché. Contrairement aux associateurs de notre époque, il nous dit, ils adorent les gens les plus pervers. Des gens pervers, des gens qui commettent des péchés. Et cette perversité et ces péchés ne sont pas des choses cachées. Là, cette même personne qui l'adore, il va témoigner qu'il l'a vu en train de faire zina, en train de voler, en train de ne pas prier. Donc voilà également une différence entre les associateurs de notre époque et ceux de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Badawi. Donc là, j'avais quelque chose par rapport à Sayyid al-Badawi, qui faisait partie donc de ces gens-là. Yani Ahl al-Fujur. Qui faisait partie donc des gens pervers et qui sont à l'heure actuelle adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kamathali al-Sayyid al-Badawi. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسان بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه قرة عيون الموحدين يقول وكل ما عبد من دون الله من قبر أو مشهد أو صنم أو طاغوت فالأصل في عبادته هو الغلو فيه كما لا يخفى على أهل البصائر كما جرى لآل مصر وغيرهم فإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي وهو لا يعرف له أصل ولا فضل ولا علم ولا عبادة ومع هذا فصار أعظم آلهتهم مع أنه لا يعرف إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم خرج ولم يصلي ذكره السخاوي عن أبي حيان. Donc par exemple al-Badawi, Ahmed al-Badawi, donc qui possède un énorme mausolée en Égypte, et donc les gens ils font de l'association et adore autre qu'Allah. Cheikh Abdurrahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdel Wahhab, donc un des petits-fils de Cheikh Muhammad ibn Abdel Wahhab, il a un livre qui s'appelle Qurratu Uyun al-Muwahidin, donc qui est l'explication de Kitab Tawhid. Il nous dit que en Égypte, parmi leurs plus grandes divinités, Ahmed al-Badawi. Et il nous dit, c'est-à-dire, nous ne connaissons pas son origine. Wala fadl, ni ses vertus, ni sa science, ni son adoration. Mais malgré cela, il est devenu une des plus grandes divinités en Égypte. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'un jour il est rentré à la mosquée le vendredi. Fabala fihi. Dans cette mosquée, qu'est-ce qu'il a fait? Bel, il a uriné dans la mosquée. Thumma kharaja wa lam yusalli. Ensuite, il en est sorti et il n'a même pas fait la prière. Dhakara as-Sakhawi an Abi Hayyan. Donc pour vous montrer que les gens, ils adorent en dehors d'Allah des gens qui ne sont même pas connus pour la science ni pour l'adoration. Malgré que tout cela soit illicite, mais c'est juste pour faire la différence entre les polythéistes de notre époque et ceux de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sanadhkuru asharata furuq bayna mushrikin al-mushrikin al-awwalin wa mushriki zamanina. On va citer 10 différences entre les polythéistes donc de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux de notre époque. Donc l'auteur en a cité 2, on va en citer donc 8 en plus. Donc awwalan al-awwalin al-awwalun yushrikuna fi ar-raha wa yukhlisuna fi ash-shidda amma al-mutaakhirun yushrikuna fi ar-raha wa ash-shidda. Donc premièrement, c'est ce qu'on a cité, que les premiers polythéistes, ils associaient Allah dans l'aisance et ils l'invoquaient seul dans l'adversité. Contrairement donc à ceux de notre époque, ils associaient Allah dans les deux cas, donc tout le temps, dans l'aisance et dans l'adversité. Thaniyan, الأولون كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين من النبيين والملائكة أو يدعون أشجارا وأحجارا غير عصية وهؤلاء المتأخرون يدعون مع الله الفجار والفساق. Donc deuxièmement, ce qu'a cité l'auteur, les premiers polythéistes, ils adoraient avec Allah donc des gens proches d'Allah, parmi les prophètes, les anges, ou bien ils invoquaient des arbres, des pierres donc qui ne désobéissaient pas à Allah. Contrairement à ceux de notre époque, donc ils invoquent avec Allah des pervers et des mauvaises personnes. Thalithan. Al-awwalun ya'taqiduna anna ma hum 'alayhi mukhalifan li da'wati al-anbiya'i war-rusul. Wa lihadha qalu aj'al al-alihata ilahan wahida in hadha la shay'un 'ajab. Amma al-muta'akhirun فَيَعْتَقِدُونَ أَنَّ فِعْلَهُمُ الشِّرْكِ مُوَافِقًا لِدَعْوَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ. Également, les premiers polythéistes, ils étaient conscients et ils croyaient que ce qu'ils faisaient, c'était contraire à l'appel des prophètes. Donc les gens de la Mecque, ils savaient que c'était contraire à ce que, en quoi les appelait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'ils ont dit « أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا » Veut-il rendre toutes les divinités une seule divinité? Contrairement aux polythéistes de notre époque, ils pensent que ce qu'ils font est en accord avec l'appel des prophètes et des messagers. Rabi'an. Les mushrikoun al-awwaloun kanu la yushrikuna ma'allahi fil mulki wa tasarruf fil aam. أما المتأخرون فجعلوا لمن يعظمونه ملكا وتصرفا في الكون وقصدوهم وأن لهم تدبير العالم وما يجري فيه. Les polythéistes de la Mecque, donc, ils associaient avec Allah, mais pas dans la royauté, pas dans le fait de contrôler toutes choses. Car donc, comme on a cité précédemment, les polythéistes de la Mecque, donc, ils savaient que Allah, c'est lui qui contrôle toutes choses dans ce monde, c'est à lui qu'appartient toutes choses. Contrairement à certains polythéistes de notre époque qui pensent que certains de leur saint, de leur divinité, donc possèdent une chose, contrôlent certaines choses dans ce monde, qu'ils connaissent l'invisible. Donc les polythéistes de la Mecque ne faisaient pas cela. Khamisan. Al-muta'akhirun aw kathirun min al-muta'akhirin qasadu ma'budatihim min dunillahi ala jihati al-istiqlal. على جهة الاستقلال أما الأولون فإنهم اتخذوهم شفعاء ووسائط بينهم وبين الله. Les premiers polythéistes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Donc ils adoraient autre qu'Allah afin que ces derniers les rapprochent d'Allah. comme on a dit, هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Alors que beaucoup de polythéistes de notre époque, ils adorent leur divinité indépendamment, en lui demandant à lui de leur donner des enfants, de leur donner un travail, de les aider dans certaines choses. Ce que ne faisaient pas les polythéistes de la Mecque. Donc ils demandaient à leur divinité et imitaient leur divinité comme des intermédiaires entre eux et Allah tabaraka wa ta'ala. Sadisan, عامه الشرك الاولين في الالوهيه واما المتاخرون فانه بحر لا ساحل له في الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات. Donc l'association, le polythéisme des premiers associateurs avait lieu dans l'ulouhiya, c'est-à-dire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le problème qu'ils avaient, donc ils vouaient à autre qu'Allah de l'adoration. Alors que certains polythéistes de notre époque, ils ont de l'association dans toutes les bases de la croyance. Furububiya, celui qui pense que un tel connaît l'invisible, ada shirk furububiya. Celui qui pense que un tel, c'est lui qui fait descendre la pluie, un tel, c'est lui qui donne les enfants, ça, ada shirk furububiya. En plus de cela, s'il l'invoque en dehors d'Allah, fil uluhiya. Et certains même, fil asma et wassifat, c'est-à-dire dans les noms d'Allah et dans ses attributs. Sabian. المتأخرون يدعون أن قصد الصالحين ودعاءهم والتوجه إليهم أنه واجب عليهم وأن من ترك ذلك جهلا أن ترك ذلك جهلا وتنقص لهم وهذا لم يكن عند الأولين. Les polythéistes de notre époque, ils rendent obligatoire d'invoquer les pieux et les saints. C'est obligatoire. Et que quiconque qui ne fait pas cela, c'est comme s'il ne leur avait donné aucune valeur. C'est comme s'il leur avait donné aucune valeur et que c'est un ignorant. Alors que les gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pensaient pas cela, ou ne croyaient pas à cela. Thaminan, al-awwaluna مقرين بشركهم ويسمون توجههم إلى معظمهم عبادة أما المتأخرون فيزعمون أنهم لربهم لا يشركون ويسمون وتوجههم إلى معظمهم محبة. Les associateurs donc de la Mecque à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils reconnaissaient qu'ils associaient autre avec Allah tabaraka wa ta'ala. Ils reconnaissaient ce qu'ils faisaient était l'ibada, c'était de l'adoration. Ils reconnaissaient qu'ils adoraient autre qu'Allah. Contrairement à ceux de notre époque, ils prétendent ne rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala et ils prétendent également que le fait de se diriger vers les salihin est de l'amour pour eux, alors qu'en réalité c'est de l'adoration. Thaminan, an al-awwalin aw tasi'an الأولين كانوا يرجون معظميهم لقضاء حوائج الدنيا فقط كرد الغائب مثلا أما المشركون المتأخرون فيريدون منهم حوائج الدنيا والآخرة. Les polythéistes à l'époque du prophète sallam, ils invoquaient leur divinité que pour des choses de ce bas monde, afin par exemple qu'ils leur rendent une personne qui est parti très loin, donc ils se dirigeaient vers leur divinité afin que cela ramène cette personne. Alors que les polythéistes à notre époque invoquent leur divinité pour des choses d'ici-bas et de l'au-delà. عاشران أن المشركين الأولين كانوا يعظمون شعائر الله فكانوا يعظمون البيت الحرام وكانوا يعظمون اليمين بالله ويعوذون من استعاذ بالله وبيته. Les polythéistes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils vénéraient toutes choses liés à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils vénéraient par exemple Baytullah, le Kaaba, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vénéraient également le fait de jurer par Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement donc aux polythéistes de notre époque qui ne respectent ni Allah tabaraka wa ta'ala ni ses rites qui sont liés à lui. Sallallahu alayhi wa ta'ala niwafiqana lima yuhibu yarda wa nukmilu fi liqa'in qadim inshaAllah tabaraka wa ta'ala. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhab an-nar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.